Chapitre 10e. Notre visite au lac Jonanga terminée, nous prîmes congé des habitants de Ndembo, non sans quelques palabres, et nous nous abandonnâmes au cours de l'Ogowai. Le lendemain, nous visitions rapidement un petit lac situé près du village d'Abangaviri, le lac Nyogé, joli bassin de 4000 de largeur à peine, près duquel nous laissions définitivement les Gallois pour trouver les tribus qui se rattachent directement à la mer. Nous voyons reparaître en même temps les joncs, rares d'abord, puis plus pressés, qui nous annonçaient mieux qu'aucune observation barométrique que les terrains s'abaissaient et allaient bientôt tourner au marécage. Nous apprîmes en route que les gens d'Arumbe avaient l'intention de nous rançonner à notre retour et de faire un mauvais parti à notre pilote, auquel ils attribuaient le refus que nous avions fait d'aller les visiter à notre premier passage. Pour éviter une altercation avec ce village querelleur, nous passâmes devant lui pendant la nuit. Au lever du jour, nous étions à 10 kilomètres de là, à l'entrée du Bandou ou Bango, la première grande branche qui se sépare de la rive gauche de l'Ogowai pour se jeter à la mer et forme par conséquent la limite méridionale de son delta. Quelques heures après, nous rentrions dans le village de notre ami Ngowa Apaga, roi de Dambo. Cet excellent homme nous vit revenir avec une véritable joie. Il savait quel sentiment hostile animait quelques chefs contre le roi du Cap Lopez, dont le traité récent avec nous commençait à être connu. Il n'ignorait pas non plus leur avidité pour les produits européens. Il n'était donc pas sans inquiétude sur notre compte. Après nous être reposés quelques heures dans ce village hospitalier, nous reprîmes la route du pionnier, qui, revenu en deçà des bancs, nous attendait près du village de Nyondo. Ngowa Kaga, qui nous avait accompagnés, reçut avec joie pour la location de sa pirogue des fusils, de la poudre, du sel, denrées toujours précieuses loin de la mer, et pour ses femmes, des étoffes et des perles à rendre jalouses toutes les odalisques de la rivière. Dès le lendemain, nous partîmes en baleinière pour visiter la Nangue que M. du Chaillut avait récemment décrit en lui attribuant un rôle important dans l'avenir commercial du pays. Nous remontâmes la Zintongo, affluent de l'Ogowai qui retourne vers l'est, puis un canal plus étroit, le Gongoni, qui nous ramena au Bango. On nous avait dit que cette rivière avait plusieurs communications avec le lac. Nous n'eûmes en effet qu'à la traverser obliquement pour trouver la plus importante, la petite rivière de Gaibiri. Notre courte apparition dans le Bango troubla un instant une troupe d'hippopotames qui prenait ses ébats auprès d'un banc de sable. Nous avions déjà nombre de fois rencontré ces énormes animaux dans l'Ogowai, dont les berges portent partout les traces de leurs pas. Mais nous les avions toujours trouvés par couples isolés, ne montant guère au-dessus de l'eau que le haut de la tête et la partie supérieure de leur énorme croupe, et disparaissant au moindre bruit. Une balle envoyée au milieu du troupeau les fit plonger immédiatement. Mais nous avions à peine traversé le champ de leurs ébats que tous avaient reparu. Malgré la mauvaise réputation qu'on leur avait faite d'attaquer les embarcations qui s'aventurent ainsi au milieu d'eux, ils avaient eu la bonté d'attendre sous l'eau que nous nous fussions éloignés. Arrivés de bonne heure dans le Guaibiri, nous tentons d'entrer immédiatement dans le lac. Mais nous avions à peine fait 2 milles que le canal se rétrécissant tout à coup, nous nous trouvons dans une impasse boueuse et infecte, entourée de joncs de tous côtés et sans issue apparente. Force nous est de retourner sur nos pas. Le lendemain matin, nous repartons avec une petite pirogue du pays, et rendus dans l'impasse, nous nous engageons dans un fossé sinueux, dont il nous eût été impossible de deviner l'existence, et où l'on ne peut pénétrer qu'en abattant les joncs énormes qui l'obstruent. Bientôt il se tarit et le terrain s'élève. Mais le cas est prévu. De grosses traverses de bois posées à demeure raffermissent le sol, et notre pirogue transformée en traîneau est vigoureusement enlevée sur cette sorte d'échelle. Pendant que nos noirs s'attellent à la pirogue, nous tâchons de les devancer en passant à travers les joncs, appuyés contre leurs tiges prismatiques solides comme de jeunes arbres, préservés contre l'embasement par le lacis serré que leurs racines forment à fleurs de boue, et abrités du soleil, par les magnifiques gombelles globuleuses qui les couronnent à 10 pieds de hauteur. Cette belle plante doit être proche parent du papyrus des anciens qui a donné son nom au papier. Pressés les uns contre les autres, le nombre de ces joncs est vraiment prodigieux. Après 3 heures d'une marche pénible, tantôt en pirogue, tantôt dehors, toujours dans la fange, nous trouvons enfin le lac Anenge. Ses abords ne sont pas trompeurs. Ce n'est en réalité que la partie la plus déclive d'un marécage immense, peu profond, très poissonneux, hanté par les crocodiles, et que nous avions attaqué probablement par son côté le plus fangeux. Des terres assez élevées l'entourent du côté du sud, et entre ces mamelons, la plaine mouvante que forment les panaches des joncs indique la continuation du marais. Les habitants des rares villages qui couronnent les hauteurs paraissent être, depuis longtemps, en relation avec les Européens établis à l'entrée de la rivière Fernambase et auxquels ils livrent des dents d'éléphant et surtout de l'huile de palme et du caoutchouc. Après avoir consacré la journée à cette rapide excursion, rendue plus fatigante encore par l'ardeur d'un soleil brûlant et par le calme complet de l'atmosphère, nous abandonnâmes sans regret ce triste marécage. Mon compagnon de route en rapportait un violent accès de fièvre et moi un peu de désenchantement. Je ne saurais en effet partager avec M. Duchaillu l'espérance de voir un jour cette plaine vaseuse se transformer en rizière et des navires à vapeur parcourir des eaux qui doivent être effroyablement malsaines. Cette courte exploration terminait notre voyage. Entrepris avant la baisse des eaux, il eût été plus fructueux. Il n'a pourtant pas été sans résultat et pose des jalons pour l'avenir. Quelques mois après, nous le complétâmes, M. Serval et moi, en faisant la reconnaissance des routes qui partent d'un des affluents du Gabon, le Rhamboé, et le mettent en communication directe avec le haut Ogowai, à travers des forêts magnifiques où habitent plus de gorilles et d'éléphants que d'êtres humains. C'était une course de 25 lieues environ à faire par des sentiers difficiles, sur les bords desquels des abris établis en permanence indiquent une circulation habituelle. Nous avons pu constater en effet qu'il existe par cette voie des relations commerciales entre les deux fleuves, et il serait sans doute possible d'activer ce courant au profit de notre établissement du Gabon. Fatigué par une grave maladie que j'avais éprouvée peu de temps auparavant, je ne pus aller jusqu'à Logowai et fus retenu par la fièvre dans un village Bakalai. Mon compagnon l'atteignit à un point plus élevé que celui où nous étions arrivés en pirogue, à 75 lieues environ de la mer. Là, le fleuve avait encore plus d'un kilomètre de largeur. C'est donc réellement un cours d'eau important. Mais d'où vient-il? C'est une question que résoudra l'avenir. Si l'on jette les yeux sur une carte d'Afrique dressée d'après les découvertes les plus récentes, on voit qu'il existe dans la partie occidentale une région absolument inconnue qui s'étend depuis le 7e parallèle au nord jusqu'au 4e degré au sud de l'équateur. Sur cette vaste surface doit tomber pendant une partie de l'année une immense quantité d'eau. De quel côté s'écoule-t-elle? Ce n'est pas au nord, vers le lac Tchad, car on peut conclure des explorations de Barthes et de Vogel que ce lac ne reçoit pas d'eau venant d'une région inférieure au 7e parallèle. C'est peut-être vers le sud, par le Congo. Mais c'est attribué à ce fleuve et sans aucune preuve une bien grande étendue. Il me paraît donc plus probable qu'il y a là, comme dans la partie orientale de cette même zone, de grands lacs intérieurs. L'Ogowai, seul grand fleuve de cette région, est-il leur canal de déversement? Il est difficile de le savoir. En tout cas, son exploration complète serait intéressante au point de vue géographique, car elle donnerait accès vers une contrée absolument nouvelle. Et c'est même le seul point d'attaque de cette région qui était garanti jusqu'à présent contre les tentatives des Européens, moins par l'insalubrité de son climat que par les difficultés presque insurmontables qui résulte de l'absence complète de route et surtout de moyens de transport. Je terminerai cette notice sur le Gabon par une question. Que faire d'un pays qui n'a aucune production régulière? Son commerce d'ébène, de bois de teinture et d'ivoire n'a pas une grande importance. Il ne peut en acquérir qu'en déterminant un épuisement plus rapide puisqu'il détruit et ne répare pas. Essayez d'y introduire quelques cultures industrielles, le coton par exemple, c'est céder, je le crains, à une généreuse illusion. Le travail européen est impossible sous un pareil climat, et le travail indigène est nul. Peut-être cependant, pourrait-on, malgré ces mauvaises conditions, tirer parti des ressources naturelles du pays, de ses belles plantes oléagineuses surtout. En encourageant la multiplication de ces arbres précieux, on obtiendrait des indigènes le seul effort qui paraisse compatible à leur nature, celui de récolter chaque année sans avoir cultivé. Ainsi s'achève Le Gabon par Griffon de Belay, médecin de la marine.